Alors, une fois n'est pas coutume, j'avais décidé de consacrer ma bio au bif et du sacté d'aujourd'hui à un comédien amateur. Un amateur qui a connu un succès fulgurant en devenant la personne la plus filmée ce week-end. Je parlais bien évidemment du zouave du Pont de l'Alma. Ah. Qui l'eût cru? Le zouave du Pont de l'Alma, c'est le... Je vais le comprendre. Ah oui. Laisse du temps à chaque fois. Il y a un effet retard. Le zouave du Pont de l'Alma, c'est le comédien idéal pour un réalisateur. Il consacre sa vie à la scène. Il est toujours en costume. Et surtout, il n'hésite pas à mouiller sa chevisse quand il le faut. J'ai donc décidé, comme des milliers de Parisiens, d'aller voir son spectacle ce week-end. Oui, j'ai fait une critique aussi, Léa. Et autant vous le dire tout de suite, j'ai été déçu. Mais alors très, très déçu. Presque autant que Léa, quand elle fait la critique d'un film d'un réalisateur qu'elle aime bien et que le film est raté. D'abord, pour le voir, il faut se pencher énormément. C'était bien la peine de prendre une place en balcon. Mais surtout, il ne fait pas le zouave du tout. Mais alors, pas du tout. Il est là, imperturbable, les pieds dans l'eau. Au début, on se dit, quel acteur. On relativise la performance de DiCaprio dans The Revenant. Puis au bout de 4 heures, on commence à trouver le temps long. Je suis encore resté 2 heures de plus à le regarder en espérant qu'il se passe quelque chose. Oui, je suis parisien. Et comme tous les parisiens, j'ai rien d'autre à faire ce week-end que de regarder de l'eau boueuse passer sous les ponts en faisant des selfies. Alors comment expliquer cette contre-performance du zouave ce week-end? On a avancé l'hypothèse qu'à force d'avoir les pieds dans l'eau, il serait tombé malade. Et alors? Ça n'empêche pas de jouer. Il y en a qui arrivent à jouer. Et pour le prouver, j'ai donc décidé de consacrer ma bio au Bifidus Actif d'aujourd'hui à un comédien malade. Je sais, c'est pas gay. Comme on disait sur la scène ce week-end. Je sens que je rame un peu, oui. Un comédien malade qui a connu un succès mondial en tournant la suite de 37 de le matin, à savoir la fièvre du samedi soir. Ce comédien, c'est, je vous le demande, c'est... John Travolta. C'est Pantoufle. Mais ça compte pas. C'est facile aussi, hein. Il faut dire aussi que je vous ai aidé en donnant un indice visuel. Désolé pour les auditeurs. Vous voyez pas en ce moment? Ah oui, jolie, la chemise. J'ai une chemise grise. Ouais. C'est la blanche de la semaine dernière que j'ai pas lavée. Alors, John Travolta est d'origine napolitaine. Autant vous dire que dans cette chronique, on va s'en payer une tranche. Qu'est-ce que je suis drôle. Alors, le père de John Travolta s'appelait Salvatore, comme Adamo. Sauf que lui, il avait la politesse de ne pas chanter. Puisqu'il était footballeur semi-professionnel. Alors, un footballeur semi-professionnel, c'est un footballeur qui marque des buts et qui n'est pas payé. Exactement l'inverse des footballeurs de l'équipe de France, qui eux sont payés et ne marquent pas de buts. Alors, je précise aux auditeurs que cette chronique, diffusée le 10 juin 2016, jour de l'ouverture de l'Euro, a été enregistrée le 10 juillet 2016, date de la finale. Je parle donc en connaissance de cause. Donc, John Travolta est né dans le New Jersey, alors que d'autres naissent dans les choux. À sa décharge, il faut reconnaître que le jersey est un tissu, surtout nouveau, beaucoup plus confortable. Ses premiers mots furent « Allô, maman, ici, bébé », qui inspirèrent le fameux « Allô, quoi » de Nabila, dont le seul principal point commun avec John Travolta fut de ne pas avoir tourné dans Kill Bill. Travolta parce qu'il refusa de tuer le président de l'époque, Bill Clinton, et Nabila parce qu'elle préféra tourner dans Kill, ton compagnon. À 16 ans, John Travolta prend des cours de claquettes, ce sont des petites claques, qui lui seront très utiles plus tard quand il faudra encaisser des coups dans Volteface. Un film monté sur son nom et qui dans un premier temps devait s'appeler Travolteface. Bien évidemment, quand on parle de Travolta, on pense à la période disco et à ce film mythique où il danse sur la musique des beaux gosses, les BG. Bee Gees. Non, je suis désolé, c'est écrit BG sur ma fiche. Et puis, j'ai causé ma chronique, de toute façon. Alors, après le succès de La fièvre du samedi soir et de Grise, John Travolta a connu un long passage à vide. Lui, qui était avide de tournage, se retrouva sans rien. Il se mit alors à voler et passa son brevet de pilote. Aujourd'hui, il possède 2 avions, dont un jet et une piste d'atterrissage privée dans son jardin. Wow. Ouais. Vous irez voir les photos, c'est impressionnant. Ce qui lui permet de s'envoler en l'air quand il le souhaite. C'est la différence entre lui et moi. Moi, pour m'envoyer en l'air, je dois me contenter d'un jet 27 et puis... Et puis c'est tout, parce qu'en général, je bois tout seul. D'ailleurs, Sophie, si tu m'écoutes... Bon, j'arrête de faire le zouave pour aujourd'hui, mais je recommencerai, car c'est encore le meilleur moyen que j'ai trouvé pour staying alive. Yes. Bravo, bravo. Merci à vous.